18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Convergence sur les ondes de Croc Radio. Aujourd'hui, back to back to back to back avec tous les animateurs de l'émission Convergence. On vous laisse apprécier, écouter. À très bientôt. Salut. We'll be right back. Baila conmigo la noche pura.

It just happened. We'll be right back. Can you hear me? Terminer avec l'agenda. On va démarrer avec la soirée au Ninkasikao à Lyon, où le collectif Rebellion va faire un battle avec le crew Legacy. Donc c'est le mouvement EBM qui rencontrera le mouvement Rave. On continue la soirée rituelle au Sucre, où Flore viendra vous démontrer tout son talent. Ensuite, du côté du Terminal, vous avez la soirée Méga avec toute la team Artfist. On file du côté de Grenoble, au Drakkar, où vous aurez la soirée The Dare Night, qui invite Sentimental Rave. Enfin, on revient sur Lyon, la soirée Eevee Dubstep, si vous avez envie de jumper, au Transborder, qui invitera Château Bruyant. Le lendemain, le 19 mai, vous aurez la soirée Sunset Society, qui invitera le Lavoir Public. La semaine prochaine, on se retrouve à partir du 22 mai, au Sofitel, où vous aurez WePlay Vinyl qui vous proposera toujours ses Afterwork La Terrasse Live tout le mois de mai, juin et juillet. Le lendemain, vous aurez le salon de l'édition musicale à Lyon, où vous aurez des tables rondes, speed meeting, ateliers de SACEM, etc. Donc c'est tous des débats autour de la musique, comment l'aborder différemment. Vous pourrez récupérer des places sous forme d'accréditation, donc directement sur le Facebook. Hein. Vous réservez, vous avez un formulaire à remplir. On continue du côté de la commune, où notre cher Dr Lloyd vous proposera son vinyle shop. Il est de retour, donc allez-y, il y a plein de pépites de vinyle. Le soir, vous aurez également, pas très loin, la soirée médiation électronique avec nos copains de médiateurs au Beast2Fly. Vous pourrez poursuivre au Terminal, où vous aurez le label Unusual qui propose de fêter sa 50e sortie du label. Le lendemain, le 24, Marseilles de Convergence sera au Beast2Fly en All Night Long. Donc le lendemain, vous aurez du côté de Chromatique rue Saint-Michel la soirée République démocratique de la danse avec nos potos Jean Mamadou et Maraboutage. Et samedi prochain, s'il fait beau, vous pourrez profiter de l'open air super rayonnante qui invitera Nick V et LB à Calabat du côté de Villeurbanne dans le parc sauvage. Donc c'est à Lyon, à côté de Lyon. Et les préventes sont accessibles à partir de 1€. Du côté de Grenoble, vous avez le soir à la Belle Électrique le crew La Mamise qui viendra faire un battle avec le camion Bazar. Donc vous aurez un sacré foutoir sur Grenoble. Et si on revient sur Lyon, vous avez la rooftop party au Mob Hotel. Je mettrai enfin un petit accent sur les nuits sonores. On n'en a pas trop parlé, mais tout le monde s'arrache les places. Hein. Toutes les nuits sont sold out. qui sera du 29 mai au 1er juin. Convergence vous proposera également deux événements pendant les nuits sonores. Vous avez WePlay Vinyl d'un côté qui vous proposera le 31 et le 1er juin des croisières sonores avec le Live Station et en partenariat avec Lyon City Crunch qui s'appelle le Love Boat. Donc vous avez encore des places, donc n'hésitez pas. Alors pour les WePlay Vinyl par contre, elles sont toutes sold out. Et de l'autre côté, vous avez Médiateur Électronique qui proposeront le 31 mai un open air au Fargo. Donc c'est la péniche hein, qui se trouve vers Belcourt, hein, Cagayton. Voilà. Et enfin, nous terminerons avec une date qui est clé pour le Family Picnic. Donc nos invités qui étaient venus dans notre studio. Donc on leur fait un coucou et ils font une date le 29 mai du côté de la Churrascaïa, donc c'est vers Montpellier. Hein. Donc la Road to Family Picnic où ils inviteront Kamel Fat, hein, Tom Pooks, Joy Kitty Conti, Greg Delon, voilà, toute la famille y sera au complet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était l'émission Convergence sur Croc Radio, animée donc par les résidents. Voilà, pour un mix en back-to-back-to-back. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on vous remercie pour votre fidélité. On vous dit à très bientôt sur les ondes de Croc Radio. Salut, merci à tous. Convergence. Culture et musique électro-underground.